Hey, qu'est-ce que tu veux là? C'est mon toboggan là. Ouais, vas-y là-bas. Vas-y là-bas, c'est mon toboggan, vas-y, bouge de là. Quoi, c'est le toboggan à son père ou quoi? Oh, il croit que c'est le toboggan à son père lui. Bah oui. C'est notre toboggan, frère, c'est notre parc ça. Ou allô? Hein? Oh, naf, sur le sang, ça va ou quoi? On est au parc juste derrière chez toi là. Ouais, au toboggan. Mais tu fais du toboggan quoi? Non, on n'en fait pas. Mais viens, frérot. Ah, vas-y, vas-y. Vas-y, vas-y, j'arrive. Bande de gang. C'est Naps, il arrive. Oh, il arrive, il va venir le chercher. Oh, non, non.